ka pese son san mwen. Jodi la bien bel, gade, an pa mèm an pale. Waba lan mel la, na kene si kay la, pou vwa la maye. Ple wa si mwen kon sa nou kay touche bonè. Hello Luce, hello, hello, hello Luce, on nou voyage loin. Hello Luce, c'est ça qu'a